Je suis l'empire à la fin de la décadence qui regarde passer les grands barbares blancs en composant des acrostaches indolents d'un style d'or où la langueur du soleil danse. L'âme se lève. Plus rien à dire.